mange cher. La joie, c'est peine perdue. Le doigt sur le dilemme. La même question, m'aimes-tu? Je ne vois à long terme, ne vois vraiment plus rien, rien. Ailleurs, tout est bien. Tout voyage est top scène. Je reviendrai. Rayon.